Cinquième nuit. Sire, poursuivit Scheherazade, le premier vieillard qui conduisait la biche, continuant de raconter son histoire au génie, aux deux autres vieillards et aux marchands. Je pris donc, leur dit-il, le couteau, et j'allais l'enfoncer dans la gorge de mon fils, lorsque, tournant vers moi languissamment ses yeux baignés de pleurs, il m'attendrit à un point que je n'eus pas la force de l'immoler. Je laissai tomber le couteau et je dis à ma femme que je voulais absolument tuer un autre veau que celui-là. Elle n'épargna rien pour me faire changer de résolution. Mais quoi qu'elle pût me représenter, je demeurai ferme et lui promis, seulement pour l'apaiser, que je le sacrifierais au Bayram de l'année prochaine. Le lendemain matin, mon fermier demanda à me parler en particulier. « Je viens, me dit-il, vous apprendre une nouvelle dont j'espère vous me saurez bon gré. J'ai une fille qui a quelque connaissance de la magie. Hier, comme je remenais au logis le veau dont vous n'aviez pas voulu faire le sacrifice, je remarquai qu'elle riait en le voyant, et qu'un moment après, elle se mit à pleurer. Je lui demandai pourquoi elle faisait en même temps deux choses aussi contradictoires. « Mon père, me répondit-elle, ce veau que vous ramenez est le fils de notre maître. Je ris de joie de le voir encore vivant. Et j'ai pleuré en me souvenant du sacrifice qu'on fit hier de sa mère, qui était changée en vache. Ces deux métamorphoses ont été faites par les enchantements de la femme de notre maître, laquelle haïssait la mère et l'enfant. Voilà ce que m'a dit ma fille, poursuivit le fermier, et je viens vous apporter cette nouvelle. À ces paroles, ô génie, continua le vieillard, je vous laisse à juger quelle fut ma surprise. Je partis sur-le-champ avec mon fermier pour parler moi-même à sa fille. En arrivant, j'allai d'abord à l'étable où était mon fils. Il ne put répondre à mes embrassements, mais il les reçut d'une manière qui acheva de me persuader qu'il était mon fils. La fille du fermier arriva. « Ma bonne fille, lui dis-je, pouvez-vous rendre à mon fils sa première forme ?»« Oui, je le puis, me répondit-elle. « Ah, si vous en venez à bout, repris-je, je vous fais maîtresse de tous mes biens. » Alors elle me répartit en souriant. « Vous êtes notre maître, je sais trop bien ce que je vous dois, mais je vous avertis que je ne puis remettre votre fils dans son premier état qu'à deux conditions. La première, que vous me le donnerez pour époux, et la seconde, qu'il me sera permis de punir la personne qui l'a changé en veau. Pour la première condition, lui dis-je, je l'accepte de bon cœur. Je dis plus, je vous promets de vous donner beaucoup de biens pour vous en particulier, indépendamment que celui que je destine à mon fils. Enfin, vous verrez comment je reconnaîtrai le grand service que j'attends de vous. Pour la condition qui regarde ma femme, je veux bien l'accepter encore. Une personne qui a été capable de faire une action si criminelle mérite bien d'en être punie. Je vous l'abandonne. Faites-en ce qu'il vous plaira. Je vous prie seulement de ne pas lui ôter la vie. Je vais donc, répliqua-t-elle, la traiter de la même manière qu'elle a traité votre fils. J'y consens, lui repartis-je. Mais rendez-moi mon fils auparavant. Alors cette fille prit un vase plein d'eau, prononça dessus des paroles que je n'entendis pas, et s'adressant au veau. Ô veau, dit-elle, si tu as été créé par le tout-puissant et souverain maître du monde, tel que tu parais en ce moment, demeure sous cette forme. Mais si tu es homme, et que tu sois changé en veau par enchantement, reprends ta figure naturelle par la permission du souverain créateur. En achevant ces mots, elle jeta l'eau sur lui, et à l'instant il reprit sa première forme. « Mon fils, mon cher fils !» m'écriai-je aussitôt, en l'embrassant avec un transport dont je ne fus pas le maître. « C'est Dieu qui nous a envoyé cette jeune fille pour détruire l'horrible charme dont vous étiez environné, et vous venger du mal qui vous a été fait à vous et à votre mère. Je ne doute pas que par reconnaissance, vous ne vouliez bien la prendre pour femme, comme je m'y suis engagée. » Il y consentit avec joie, mais avant qu'ils se mariassent, la jeune fille changea ma femme en biche, et c'est elle que vous voyez ici. Je souhaitais qu'elle eût cette forme plutôt qu'une autre moins agréable, afin que nous la vissions sans répugnance dans la famille. Depuis ce temps-là, mon fils est devenu veuf et est allé voyager. Comme il y a plusieurs années que je n'ai eu de ses nouvelles, je suis en chemin pour tâcher d'en apprendre. Et n'ayant pas voulu confier à personne le soin de ma femme, pendant que je ferai une enquête de lui, j'ai jugé à propos de la mener partout avec moi. Voilà donc mon histoire et celle de cette biche. N'est-elle pas des plus surprenantes et des plus merveilleuses? J'en demeure d'accord, dit le génie, et en sa faveur, je t'accorde le tiers de la grâce de ce marchand. Quand le premier vieillard, sire, continua la sultane, eut achevé son histoire, le second, qui conduisait les deux chiens noirs, s'adressa au génie et lui dit « Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, à moi et à ces deux chiens noirs que voici, et je suis sûr que vous trouverez mon histoire encore plus étonnante que celle que vous venez d'entendre. Mais quand je vous l'aurai contée, m'accorderez-vous le second tiers de la grâce de ce marchand ?»« Oui, répondit le génie. Pourvu que ton histoire surpasse celle de la biche. » Après ce consentement, le second vieillard commença de cette manière. Mais Scheherazade, en prononçant les dernières paroles, ayant vu le jour, cessa de parler. « Bon Dieu, ma sœur, dit Dinarzade, que ces aventures sont singulières !»« Ma sœur, répondit la sultane, elles ne sont pas comparables à celles que j'aurai à vous raconter la nuit prochaine. Si le sultan, mon seigneur et mon maître, avaient la bonté de me laisser vivre. » Schahriar ne répondit rien à cela. Mais il se leva, fit sa prière, et alla au conseil, sans donner aucun ordre contre la vie de la charmante Scheherazade.